Un jour, j'avais dit à Pauline que je voudrais être solitaire, m'en aller avec elle dans un désert lointain. Elle m'avait répondu que mon désir était le sien et qu'elle attendrait que je sois assez grande pour partir. Sans doute ceci n'était pas dit sérieusement, mais la petite Thérèse l'avait prise au sérieux. Aussi qu'elle ne fut pas sa douleur d'entendre un jour sa chère Pauline parler avec Marie de son entrée prochaine au Carmel. Je ne savais pas ce qu'était le Carmel, mais je comprenais que Pauline allait me quitter pour entrer dans un couvent. Je comprenais qu'elle ne m'attendrait pas et que j'allais perdre ma seconde mère. Ah ! Comment pourrais-je dire l'angoisse de mon cœur ? En un instant, je compris ce qu'était la vie. Jusqu'alors, je ne l'avais pas vue si triste, mais elle m'apparut dans toute sa réalité. Je vis qu'elle n'était qu'une souffrance et qu'une séparation continuelle. Je versai des larmes bien amères, car je ne comprenais pas encore la joie du sacrifice. J'étais faible, si faible que je regarde comme une grande grâce d'avoir pu supporter une épreuve qui semblait être bien au-dessus de mes forces. Si j'avais appris tout doucement le départ de ma Pauline chérie, je n'aurais peut-être pas autant souffert. Mais l'ayant appris par surprise, ce fut comme si un glaive s'était enfoncé dans mon cœur. Je me souviendrai toujours, ma mère chérie, avec quelle tendresse vous m'avez consolée. Puis vous m'avez expliqué la vie du Carmel qui me sembla bien belle. En repassant dans mon esprit tout ce que vous m'aviez dit, je sentis que le Carmel était le désert où le bon Dieu voulait que j'aille aussi me cacher. Je le sentis avec tant de force qu'il n'y eut pas le moindre doute dans mon cœur. Ce n'était pas un rêve d'enfant qui se laisse entraîner, mais la certitude d'un appel divin. Je voulais aller au Carmel non pour Pauline, mais pour Jésus seul. Je pensais beaucoup de choses que les paroles ne peuvent rendre, mais qui laissèrent une grande paix dans mon âme. Le lendemain, je confiai mon secret à Pauline, qui, regardant mes désirs comme la volonté du ciel, me dit que bientôt j'irais avec elle voir la mère prieure du Carmel, et qu'il faudrait lui dire ce que le bon Dieu me faisait sentir. Un dimanche fut choisi pour cette solennelle visite. Mon embarras fut grand quand j'appris que Marie G. devait rester avec moi, étant encore assez petite pour voir les carmélites. Il fallait cependant que je trouve le moyen de rester seule. Voici ce qui me vint à la pensée. Je dis à Marie, ayant le privilège de voir la mère prieure, il fallait être bien gentille et très polie. Pour cela, nous devions lui confier nos secrets. Donc, chacune à notre tour, il fallait sortir un moment et laisser l'autre toute seule. Marie me crut sur parole et malgré sa répugnance à confier des secrets qu'elle n'avait pas, nous restâmes seuls, l'une après l'autre, auprès de notre mère. Ayant entendu mes grandes confidences, mère Marie de Gonzague crut à ma vocation. Mais elle me dit qu'on ne recevait pas de postulante de 9 ans et qu'il faudrait attendre mes 16 ans. Je me résignai, malgré mon vif désir, d'entrer le plus tôt possible et de faire ma première communion le jour de la prise d'habit de Pauline. Ce fut ce jour-là que je reçus des compliments pour la seconde fois. Sœur Thérèse de Saint-Augustin étant venue me voir, ne se lassait pas de dire que j'étais gentille. Je ne comptais pas venir au Carmel pour recevoir des louanges. Aussi, après le parloir, je ne cessais de répéter au bon Dieu que c'était pour lui tout seul que je voulais être carmélite. Je tâchais de bien profiter de ma Pauline chérie pendant les quelques semaines qu'elle resta encore dans le monde. Chaque jour, Céline et moi lui achetions un gâteau et des bonbons, pensant que bientôt elle n'en mangerait plus. Nous étions toujours à ses côtés, ne lui laissant pas une minute de repos. Enfin, le 2 octobre arriva, jour de larmes et de bénédictions, où Jésus cueillit la première de ses fleurs, qui devait être la mère de celle qui viendrait la rejoindre, peu d'années après. Je vois encore la place où je reçus le dernier baiser de Pauline. Ensuite, ma tante nous amena toutes à la messe, pendant que papa allait sur la montagne du Carmel, offrir son premier sacrifice. Toute la famille était en larmes, en sorte que nous voyant entrer dans l'église, les personnes nous regardèrent avec étonnement. Mais cela m'était bien égal et ne m'empêchait pas de pleurer. Je crois que si tout avait croulé autour de moi, je n'y aurais fait aucune attention. Je regardais le beau ciel bleu, et je me tenais que le soleil puisse luire avec autant d'éclat, alors que toute mon âme était inondée de tristesse. Peut-être, ma mère chérie, trouvez-vous que j'exagère la peine que j'ai ressentie. Je me rends bien compte qu'elle n'aurait pas dû être aussi grande, puisque j'avais l'espoir de vous retrouver au Carmel. Mais mon âme était loin d'être mûrie. Je devais passer par bien des creusets avant d'atteindre le terme tant désiré. Le 2 octobre était le jour fixé pour la rentrée de l'abbaye. Il me fallut donc y aller, malgré ma tristesse. L'après-midi, ma tante vint nous chercher pour aller au Carmel, et je vis ma Pauline chérie derrière les grilles. Ah, que j'ai souffert de ce parloir au Carmel! Puisque j'écris l'histoire de mon âme, je dois tout dire à ma mère chérie. Et j'avoue que les souffrances qui avaient précédé son entrée ne furent rien en comparaison de celles qui suivirent. Tous les jeudis, nous allions en famille au Carmel, et moi, habituée à m'entretenir cœur à cœur avec Pauline, j'obtenais à grand-peine 2 ou 3 minutes à la fin du parloir. Bien entendu, je les passais à pleurer et m'en allais le cœur déchiré. Je ne comprenais pas que c'était par délicatesse pour ma tante que vous adressiez de préférence la parole à Jeanne et à Marie, au lieu de parler à vos petites filles. Je ne comprenais pas et je disais au fond de mon cœur, « Pauline est perdue pour moi. » Il est surprenant de voir combien mon esprit se développa au sein de la souffrance. Il se développa à tel point que je ne tardais pas à tomber malade. La maladie dont je fus atteinte venait certainement du démon, furieux de votre entrée au Carmel. Il voulut se venger sur moi du tort que notre famille devait lui faire dans l'avenir. Mais il ne savait pas que la douce reine du ciel veillait sur sa fragile petite fleur, qu'elle lui souriait du haut de son trône et s'apprêtait à faire cesser la tempête au moment où sa fleur devait se briser sans retour. Vers la fin de l'année, je fus prise d'un mal de tête continuel, mais qui ne me faisait presque pas souffrir. Je pouvais poursuivre mes études et personne ne s'inquiétait de moi. Ceci dura jusqu'à la fête de Pâques de 1883. Papa étant allé à Paris avec Marie et Léonie, ma tante me prit chez elle avec Céline. Un soir, mon oncle m'ayant emmenée avec lui, il me parla de maman, des souvenirs passés, avec une bonté qui me toucha profondément et me fit pleurer. Alors il dit que j'avais trop de cœur, qu'il me fallait beaucoup de distractions et résolut avec ma tante de nous procurer du plaisir pendant les vacances de Pâques. Ce soir-là, nous devions aller au cercle catholique, mais trouvant que j'étais trop fatiguée, ma tante me fit coucher. En me déshabillant, je fus prise d'un tremblement étrange. Croyant que j'avais froid, ma tante m'entoura de couvertures et de bouteilles chaudes, mais rien ne put diminuer mon agitation qui dura presque toute la nuit. Mon oncle, en revenant du cercle catholique avec mes cousines et Céline, fut bien surpris de me trouver en cet état qu'il jugea très grave. Mais il ne voulut pas le dire afin de ne pas effrayer ma tante. Le lendemain, il alla trouver le docteur Nota qui jugea comme mon oncle que j'avais une maladie très grave et dont jamais une enfant si jeune n'avait été atteinte. Tout le monde était consterné. Ma tante fut obligée de me garder chez elle et me soigna avec une sollicitude vraiment maternelle. Lorsque papa revint de Paris avec mes grandes sœurs, Aimé les reçut avec une figure si triste que Marie crut que j'étais morte. Mais cette maladie n'était pas pour que je meure, elle était plutôt comme celle de Lazare, afin que Dieu soit glorifié. Il le fut en effet par la résignation admirable de mon pauvre petit père, qui crut que sa petite fille allait devenir folle ou bien qu'elle allait mourir. Il le fut aussi par celle de Marie. Ah, qu'elle a souffert à cause de moi. Combien je lui suis reconnaissante des soins qu'elle m'a prodigués avec tant de désintéressement. Son cœur lui dictait ce qui m'était nécessaire et vraiment un cœur de mère est bien plus savant que celui d'un médecin. Il sait deviner ce qui convient à la maladie de son enfant. Cette pauvre Marie était obligée de venir s'installer chez mon oncle car il était impossible de me transporter alors au Buissonnet. Cependant, la prise d'habit de Pauline approchait. On évitait d'en parler devant moi, sachant la peine que je ressentais de n'y pouvoir aller. Mais moi, j'en parlais souvent, disant que je serais assez bien pour aller voir ma Pauline chérie. En effet, le bon Dieu ne voulut pas me refuser cette consolation. Ou plutôt, il voulut consoler sa fiancée chérie, qui avait tant souffert de la maladie de sa petite fille. J'ai remarqué que Jésus ne veut pas éprouver ses enfants le jour de leur fiançailles. Cette joie doit être sans nuage, un avant-goût des joies du paradis. Ne l'a-t-il pas montré déjà 5 fois? Je pus donc embrasser ma mère chérie, m'asseoir sur ses genoux et la combler de caresses. Je pus la contempler si ravissante sous la blanche parure de fiancée. Ah, ce fut un beau jour au milieu de ma sombre épreuve, mais ce jour passa vite. Bientôt, il me fallut monter dans la voiture qui m'emporta bien loin de Pauline, bien loin de mon Carmel chéri. En arrivant au Buissonnet, on me fit coucher malgré moi, car j'assurais être parfaitement guérie et n'avoir plus besoin de soins. Hélas, je n'étais encore qu'au début de mon épreuve. Le lendemain, je fus reprise comme je l'avais été et la maladie devint si grave que je ne devais pas en guérir suivant les calculs humains. Je ne sais comment décrire une si étrange maladie. Je suis persuadée maintenant qu'elle était l'œuvre du démon. Mais longtemps après ma guérison, j'ai cru que j'avais fait exprès d'être malade et ce fut là un vrai martyre pour mon âme. Je le dis à Marie qui me rassura de son mieux avec sa bonté ordinaire. Je le dis à confesse et là encore mon confesseur essaya de me tranquilliser, disant que ce n'était pas possible d'avoir fait semblant d'être malade au point où je l'avais été. Le bon Dieu qui voulait sans doute me purifier et surtout m'humilier, me laissa ce martyre intime jusqu'à mon entrée au Carmel, où le Père de nos âmes m'enleva tous mes doutes comme avec la main, et depuis je suis parfaitement tranquille. Il n'est pas surprenant que j'aie craint d'avoir paru malade sans l'être en effet, car je disais et je faisais des choses que je ne pensais pas. Presque toujours je paraissais en délire, disant des paroles qui n'avaient pas de sens, et cependant je suis sûre de n'avoir pas été privée un seul instant de l'usage de ma raison. Je paraissais souvent évanouie, ne faisant pas le plus léger mouvement. Alors je me serais laissé faire tout ce qu'on aurait voulu même tuer. Pourtant j'entendais tout ce qui se disait autour de moi, et je me rappelle encore de tout. Il m'est arrivé une fois d'être longtemps sans pouvoir ouvrir les yeux, et de les ouvrir un instant pendant que je me trouvais seule. Je crois que le démon avait reçu un pouvoir extérieur sur moi, mais qu'il ne pouvait approcher de mon âme ni de mon esprit, si ce n'est pour m'inspirer des frayeurs très grandes de certaines choses, par exemple pour des remèdes très simples qu'on essayait en vain de me faire accepter. Mais si le bon Dieu permettait au démon de s'approcher de moi, il m'envoyait aussi des anges visibles. Marie était toujours auprès de mon lit, me soignant et me consolant avec la tendresse d'une mère. Jamais elle ne témoigna le plus petit ennui, et cependant je lui donnais beaucoup de mal, ne souffrant pas qu'elle s'éloigne de moi. Il fallait bien cependant qu'elle aille au repas avec papa, mais je ne cessais de l'appeler tout le temps qu'elle était partie. Victoire, qui me gardait, était parfois obligée d'aller chercher ma chère maman, comme je l'appelais. Lorsque Marie voulait sortir, il fallait que ce soit pour aller à la messe ou bien pour voir Pauline. Alors je ne disais rien. Mon oncle et ma tante étaient aussi bien bons pour moi. Ma chère petite tante venait tous les jours me voir. Il m'apportait 1000 gâteries. D'autres personnes, amies de la famille, vinrent aussi me visiter. Mais je suppliais Marie de leur dire que je ne voulais pas recevoir de visite. Cela me déplaisait de voir des personnes assises autour de mon lit en rendez-vous et me regardant comme une bête curieuse. La seule visite que j'aimais était celle de mon oncle et de ma tante. Depuis cette maladie, je ne saurais dire combien mon affection pour eux augmenta. Je compris mieux que jamais qu'ils n'étaient pas pour nous des parents ordinaires. Ah, ce pauvre petit père avait bien raison quand il nous répétait souvent les paroles que je viens d'écrire. Plus tard, il expérimenta qu'il ne s'était pas trompé, et maintenant il doit protéger et bénir ceux qui lui prodiguèrent des soins si dévoués. Moi, je suis encore exilée et ne sachant pas montrer ma reconnaissance, je n'ai qu'un seul moyen pour soulager mon cœur, prier pour les parents que j'aime, qui furent et qui sont encore si bons pour moi. Léonie était aussi bonne pour moi, essayant de m'amuser de son mieux. Moi, je lui faisais quelquefois de la peine, car je voyais bien que Marie ne pouvait être remplacée auprès de moi. Emma, Céline chérie, que n'a-t-elle pas fait pour sa Thérèse? Le dimanche, au lieu d'aller se promener, elle venait s'enfermer des heures entières avec une pauvre petite fille qui ressemblait à une idiote. Vraiment, il fallait de l'amour pour ne pas me fuir. Ah, mes chères petites sœurs, que je vous ai fait souffrir! Personne ne vous avait fait autant de peine que moi, et personne n'avait reçu autant d'amour que vous m'en avez prodigué. Heureusement, j'aurai le ciel pour me venger. Mon époux est très riche et je puiserai dans ses trésors d'amour afin de vous rendre au centuple tout ce que vous avez souffert à cause de moi. Ma plus grande consolation pendant que j'étais malade, c'était de recevoir une lettre de Pauline. Je la lisais, la relisais jusqu'à la savoir par cœur. Une fois, ma mère chérie, vous m'avez envoyé un sablier et une de mes poupées habillée en carmélite. Dire ma joie est chose impossible. Mon oncle n'était pas content. Il disait qu'au lieu de me faire penser au Carmel, il faudrait l'éloigner de mon esprit. Mais je sentais au contraire que c'était l'espérance d'être un jour carmélite qui me faisait vivre. Mon désir était de travailler pour Pauline. Je lui faisais des petits ouvrages en papier Bristol, et ma plus grande occupation était de faire des couronnes de pâquerettes et de myosotis pour la Sainte Vierge. Nous étions au beau mois de mai. Toute la nature se parait de fleurs et respirait la gaieté. Seule la petite fleur languissait et semblait à jamais flétrie. Cependant, elle avait un soleil auprès d'elle. Ce soleil était la statue miraculeuse de la Sainte Vierge, qui avait parlé deux fois à maman. Et souvent, bien souvent, la petite fleur tournait sa corolle vers cet astre béni. Un jour, je vis papa entrer dans la chambre de Marie où j'étais couchée. Il lui donna plusieurs pièces d'or, avec une expression de grande tristesse. Il lui dit d'écrire à Paris et de faire dire des messes à Notre-Dame des Victoires pour qu'elle guérisse sa pauvre petite fille. Ah, que je fus touchée en voyant la foi et l'amour de mon roi chéri. J'aurais voulu pouvoir lui dire que j'étais guérie, mais je lui avais déjà fait assez de fausses joies. Ce n'était pas mes désirs qui pouvaient faire un miracle, mais il en fallait un pour me guérir. Il fallait un miracle et ce fut Notre-Dame des Victoires qui le fit. Un dimanche, pendant la neuvaine de messe, Marie sortit dans le jardin, me laissant avec Léonie qui lisait auprès de la fenêtre. Au bout de quelques minutes, je me mis à appeler presque tout bas « Mama, Mama ». Léonie, étant habituée à m'entendre toujours appeler ainsi, ne fit pas attention à moi. Ceci dura longtemps. Alors j'appelai plus fort et enfin Marie revint. Je la vis parfaitement d'entrée, mais je ne pouvais pas dire que je la reconnaissais. Et je continuais d'appeler toujours plus fort « Mama ». Je souffrais beaucoup de cette lutte forcée inexplicable et Marie en souffrait peut-être encore plus que moi. Après de vains efforts pour me montrer qu'elle était auprès de moi, elle se mit à genoux auprès de mon lit avec Léonie et Céline. Puis, se tournant vers la Sainte Vierge et la priant avec la ferveur d'une mère qui demande la vie de son enfant, Marie obtint ce qu'elle désirait. Ne trouvant aucun secours sur la terre, la pauvre petite Thérèse s'était aussi tournée vers sa mère du ciel. Elle la priait de tout son cœur d'avoir enfin pitié d'elle. Tout à coup, la Sainte Vierge me parut belle, si belle que jamais je n'avais rien vu de si beau. Son visage respirait une bonté et une tendresse ineffables. Mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Alors toutes mes peines s'évanouirent. Deux grosses larmes jaillirent de mes paupières et coulèrent silencieusement sur mes joues. Mais c'étaient des larmes de joie sans mélange. « Ah !» pensais-je, « la Sainte Vierge m'a souri que je suis heureuse. » Mais jamais je ne le dirai à personne, car alors mon bonheur disparaîtrait. Sans aucun effort, je baissai les yeux et je vis Marie qui me regardait avec amour. Elle semblait émue et paraissait se douter de la faveur que la Sainte Vierge m'avait accordée. Ah, c'était bien à elle, à ses prières touchantes, que je devais la grâce du sourire de la Reine des Cieux. En voyant mon regard fixé sur la Sainte Vierge, elle s'était dit « Thérèse est guérie ». Oui, la petite fleur allait renaître à la vie. Le rayon lumineux qui l'avait réchauffé ne devait pas arrêter ses bienfaits. Il n'agit pas tout d'un coup, mais doucement, suavement. Il releva sa fleur et la fortifia de telle sorte que 5 ans après elle s'épanouissait sur la montagne fertile du Carmel.